les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une rencontre entre deux amis, deux collègues, deux cinéphiles, deux amoureux et deux passeurs du cinéma. Deux critiques qui n'analysaient pas plan par plan leurs films préférés, non. C'était avant les DVD, innombrables, ou les chaînes de télévision dédiées au cinéma. C'était à une époque où certains films n'étaient pas ressortis en salle depuis des années et où il fallait attendre que la télévision les présente au public français. Ça tombe bien, l'intervieweur était l'homme qui, tous les vendredis soirs sur Antenne 2, après apostrophe, présentait le Ciné-Club. Et l'interviewé était l'homme qui, tous les dimanches soirs sur FR3, proposait le cinéma de minuit. Le 23 avril 1978, Claude Jean-Philippe accueillait Patrick Brion dans le cinéma des cinéastes sur France Culture. Au menu, cinéma américain, grands films et série B. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Bon, Patrick Brion, désormais, tout le monde est accoutumé à ta voix, parce que tu es essentiellement une voix. C'est-à-dire, c'est la voix du cinéma de minuit de FR3. Bon, on sait aussi que je m'occupe du ciné-club d'Antenne 2, donc c'est un peu un dialogue entre ces deux ciné-clubs qui, en fait, n'en ont fait qu'un, il faut bien le dire. Enfin, on peut bien dire maintenant la vérité toute crue. En réalité, le cinéma de minuit et le ciné-club d'Antenne 2 ont dérivé de la même entreprise initiale, qui a été initiative qui avait été prise par Pierre Sabag à l'origine, et dont il nous avait chargé, toi et moi. Il y a une chose certaine, c'est que aussi bien le ciné-club d'Antenne 2 au départ, enfin à l'époque où tu t'en occupais et tu t'occupais essentiellement du domaine américain, que le cinéma de minuit aujourd'hui, il est bien évident que ça a énormément contribué avec par ailleurs l'action des gens des studios Action, Lafayette, etc., à rajeunir, à vérifier, à approfondir notre idée du cinéma américain. Bon, et je peux le dire parce que tu le diras pas toi-même, qu'il y a peu de gens au monde qui connaissent aussi bien le cinéma américain que toi, Patrick Brion. Et je voudrais te demander, au point où tu en es de ta connaissance du cinéma américain ancien et actuel, je voudrais te demander où tu en es vis-à-vis d'Hollywood. Mais personnellement, hein, je veux dire, dans ton attachement, qui est un attachement qui a de maintenant je sais pas combien d'années. Il n'a pas du tout changé. Il a évolué uniquement, je crois, en s'approfondissant. Parce que, à force de voir des films de plus en plus, de voir des films qu'on ne connaît pas, à force de revoir des films, de revérifier, de prendre des notes, de travailler sur l'histoire des grandes compagnies, des grands réalisateurs, des grands producteurs, on finit tout de même petit à petit par avoir une idée de plus en plus juste, je pense, du cinéma américain, sauf peut-être du domaine muet. Ou alors, on sait très bien qu'il y a vraiment 80%, c'est, je crois, la statistique officielle de l'American Film Institute, 80% des films qui ont disparu. Alors, le cinéma muet, donc, a pratiquement complètement disparu. C'est une des grandes catastrophes de l'histoire de l'art qu'on peut comparer à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ou des choses comme ça. Oui, mais alors, ce qui implique que les Ford, les Ford muets, par exemple, qu'on espérait voir un jour, ont disparu. Oui, certains ont complètement disparu, mais si tu veux, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas le cas de quelques films de Ford qu'on ne connaît pas, parce que finalement, bon, on connaît bien Ford, même s'il nous manque quelques œuvres, qui sont peut-être des œuvres marquantes d'ailleurs, mais ce sont des cinéastes qui sont peut-être de la qualité de Ford, mais des gens qui n'ont travaillé qu'à l'époque du cinéma muet, et dont la carrière a été intégralement détruite. Et si tu veux, le fait que des gens comme Murnau, des gens qui n'ont pas tourné beaucoup, il nous manque des films importants. Les Quatre Diables, c'est perdu. Les Quatre Diables semblent complètement perdus. La Femme au Corbeau de Borzage semble complètement perdue. Les premiers Capra semblent perdus. Certains des premiers Hawks sont perdus. Il y a au moins 10 ou 20 Walsh complètement perdus. C'est énorme. Et encore, une fois de plus, ce qui m'inquiète le plus, ce sont des carrières entières de gens qui ont fait 60, 70 films, dont la carrière s'est arrêtée en fait en 27 ou 28, et dont nous ne connaissons rien, dont il n'existe sans doute plus rien. Qui donc? Ben, des gens qu'on ne connaît plus du tout, justement. Non, mais des noms, tu les connais. Je pense que, je sais pas, Edward Sloman, il doit exister 2 ou 3 films, Herbert Brennan, 3 ou 4, Charles Brabin, 4 ou 5, et sans doute uniquement les films récents. Tu veux même Todd Browning, dont on connaît que vraiment une partie, que la partie qui émerge de l'iceberg, c'est à dire la partie postérieure à 1923. Tous ses premiers films, en gros, ont disparu. Alors ça, c'est très très grave, parce qu'il y a vraiment une partie du cinéma américain qu'on ne connaîtra jamais. On aura dessus une culture purement livresque, qui sera au niveau des sujets adaptés, des sujets choisis, des choses comme ça. Mais malheureusement, rien de plus. Mais c'est certainement la même chose, d'ailleurs, pour le cinéma français, pour le cinéma italien, pour le cinéma allemand, faut pas... La situation n'est pas plus grave aux États-Unis qu'ailleurs. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas meilleure aux États-Unis. Il y a eu finalement autant de destruction dans les grandes compagnies, je pense notamment à la MGM ou à la Fox, que dans des compagnies presque indépendantes, françaises ou allemandes. Ça n'a pas été mieux préservé aux États-Unis. Tu vois le fait qu'il manque un film de Garbo réalisé par Sjöström, qui je crois du 1926 ou 1927, c'est quelque chose de complètement insensé. Garbo a tourné peu de films, Sjöström a tourné très peu de films aux États-Unis, qui n'en manque ne serait-ce qu'un, c'est vraiment insensé, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale, d'autant que les gens ont présents à l'esprit les films de Sjöström que tu nous as montrés au cinéma de minuit, qui étaient admirables, et en particulier le Vent, enfin, qui est un film très connu, mais dont on s'est rendu compte en le voyant là sur cet écran de télévision. À quel point c'était un... Ah, qui n'a pas bougé, qui est toujours admirable. Prodigieux. Tu veux, le cas de Sjöström est très bon. Nous avons passé dans ces mêmes minuit tout ce qui avait survécu de sa carrière américaine, c'est-à-dire 3 films et demi. Il y en a un dont on n'a passé que des bouts, uniquement ce qui restait. Tous les autres sont complètement perdus. Et c'était des films prestigieux de l'époque. Ce n'était pas des petits films de série B ou de série C, c'était des films prestigieux qui ont disparu. Ce qui indique à quel point c'est tardivement que la prise de conscience s'est faite de... simplement de la valeur des films, même de leur valeur marchande, parce que cette pellicule perdue, finalement, aurait actuellement probablement une valeur marchande. En ce qui concerne le cinéma muet, pas tellement, malheureusement. Ah, mais ne serait-ce que comme document d'archives. Tu dis que les gens, évidemment, n'ont pris que tardivement conscience. Moi, j'ai peur qu'on n'ait toujours pas pris conscience. Les problèmes de conservation restaient les mêmes. C'est vrai. On ne va pas aborder aujourd'hui le problème de la conservation en France, mais les problèmes sont les mêmes. Ils continuent aujourd'hui à se détruire des centaines de films chaque jour. Nous n'avons pas fait de progrès. La seule chose, c'est que nous avons découvert aujourd'hui le drame du cinéma muet. Nous découvrirons dans 30 ans le drame du cinéma français de l'avant-guerre, dont on pourrait encore sauver des films aujourd'hui, alors qu'on ne pourra plus du tout dans 30 ans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu as organisé ce fameux cycle tourneur dont on a tellement parlé, ce qui permettait de tirer des copies neuves de films complètement disparus de la circulation. Ah ben ça, je pense, bon, sans vouloir prêcher pour ma propre chapelle, que vraiment, le travail de la télévision... Enfin, il n'y a que la télévision qui permet de faire ce travail-là, d'abord pour des raisons financières, parce que quand nous faisons un contrat, nous donnons au distributeur la possibilité de tirer une copie, et en plus, ce sont des films, notamment, je parle des films français d'avant-guerre, ce sont des films que les gens n'ont absolument pas la possibilité, notamment en province, de voir. C'est ça. Oui. S'ils ne les voient pas à la télévision, ils ne les verront jamais. Jamais, jamais. Et je pense que pour ça, le cycle tourneur était quelque chose de très très intéressant. C'était vraiment un cycle historique qui n'a pas été toujours très très bien compris par les gens, puisque les gens ont l'habitude à la télévision d'avoir des cycles de 4 ou 5 films, où on leur dit peut-être un peu abruptement Voilà les 4 meilleurs films de Mankiewicz, voilà les 5 meilleurs films de Borzet, je vous le dis, parce que j'ai eu la chance de les voir tous, voyez-les, etc. Pour Turner, au contraire, on a voulu passer une quinzaine de films qui avaient un triple but. D'une part, y donner aux gens la possibilité d'avoir vraiment une idée très précise de la carrière française, pas de la carrière américaine, de la carrière française de Maurice Turner, cinéaste important, méconnu et oublié. Deuxièmement, ils étaient un reflet formidable du cinéma français de l'époque, ne serait-ce que par le choix des sujets, Bernstein, etc., le choix des qualités des acteurs, des scénarios. Et puis en plus, il était un reflet vraiment de la vie française de l'époque. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a des gens qui n'aient pas compris. Parce que ce cycle obligeait pour la première fois le téléspectateur à faire un effort. En fait, à faire un effort d'historien et de cinéphile. Ce à quoi il n'est pas habitué. Enfin, regarde, voilà. dont nous sommes partis, toi et moi, rappelle-toi les années 65-66, à l'époque où il n'y avait ni cinéma de minuit, ni ciné-club, et où on se promenait dans les couloirs de toutes les directions successives de la télévision pour les convaincre de passer les films muets, pour les convaincre de passer les films étrangers en version originale, pour les convaincre de passer les films de Mizoguchi. Après tout, c'est toi qui as fait acheter pour le ciné-club 5 femmes autour de Tamaro, qui était finalement la première projection sous-titrée en France de ce film, quoi. Donc, bon... Oui, mais là aussi, je suis moins optimiste. Ce que tu veux, terrible, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a finalement qu'un film et demi. Le demi étant celui d'Antenne 2, le 1 étant celui de l'Affaire 3. De ce style-là, il faudrait qu'il y ait 6 cases par semaine. Si on veut couvrir tous les aspects du cinéma muet expressionniste au grand cinéma hollywoodien de l'âge d'or, du cinéma japonais au cinéma indien, avec une case et demie par semaine, notre travail, à toi comme à moi, est très très insuffisant. C'est un travail historien très insuffisant. Nous n'en sommes pratiquement qu'aux très grands cinéastes. Nous parvenons pas du tout à nous attaquer à des gens moins connus, à des films moins connus. En fait, on reste avec le peu de cases qu'on a, la peu de possibilités qu'on a, puisqu'en fait, ça se résume à combien, 75 films par an, ce qui est rien, presque toujours à des films, j'aurais tendance à dire, un peu officiels. Oui, ben d'accord. Alors, entre toi et moi, c'est toujours le même dialogue de gens qui rient, de gens qui grognent, c'est-à-dire que... Moi, je me satisfais quand même un peu des résultats acquis, et toi, tu vois l'avenir et tu penses à faire plus et faire mieux. Non, moi, je ne me satisfais pas à partir du moment où on pourrait faire tirer des copies. Ça, c'est très important, des copies et donner peut-être, bon, comme tu disais tout à l'heure, une conscience, ne serait-ce que financière, à certains distributeurs de la valeur de leurs anciens films. Non, mais ça, je crois que tu as totalement raison. D'ailleurs, quelqu'un comme Truffaut aussi justifie complètement nos entreprises, aussi bien celle du Ciné-Club que celle du cinéma de minuit, en fonction de ça. Il dit c'est fantastique parce que ça permet d'avoir des copies neuves de films disparus. Bon. Alors, moyennant quoi, je sais que tu passes littéralement ta vie avec le cinéma américain. Tu prépares probablement un ouvrage qui sera une histoire ou une étude sur le cinéma américain dans les profondeurs. Tu ne manques aucun film américain, quel qu'il soit. Oui, ça, il y a de longues années. Il y a de longues années. Combien d'années? Les premières notes que j'ai retrouvées sont des notes qui remontent à 53. Bon, c'est-à-dire il y a tout même assez longtemps. Pratiquement depuis 1958, j'ai pas manqué un film américain, qu'il ait été programmé à la télévision, à la cinémathèque, ou qu'il soit sorti en salle. Alors, ce que je voudrais maintenant que tu me dises, c'est l'Amérique aujourd'hui, Hollywood aujourd'hui, dont on a prédit 20 fois la mort, la disparition, le phagocytage par la télévision, par exemple. Je crois que c'est pas du tout le cas. Non, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de constater que, contrairement à ce qui se passe en France, où la situation, on le sait, n'est pas très très bonne, le cinéma américain est aujourd'hui dans une situation économique, et bon, l'économie est toujours très importante, florissante. Ce qui était complètement imprévisible il y a 10 ans, à peu près. Ce qui était à peu près imprévisible il y a 10 ans. On peut dire que finalement, jamais Hollywood ne s'est aussi bien porté qu'aujourd'hui. C'est pas un paradoxe. Les recettes ont augmenté de 70% en 3 ans. Le premier trimestre de 78, si on prend les chiffres de la revue Variety, indique une augmentation de 35% par rapport à 1976. Ce qui signifierait que les gens ont abandonné leur... l'image traditionnelle du foyer américain avec 4 récepteurs de télévision dans tous les coins, les gosses l'œil rivé sur les westerns, etc. Ça veut dire qu'ils sortent et qu'ils vont voir des films. Aujourd'hui, il y a 2 raisons. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Ils y vont pour 2 raisons. Bon, d'une part, parce que la télévision les sature. Alors que la télévision française, finalement, passe peu de films relativement. Les gens du cinéma diront qu'on en passe beaucoup. En fait, on en passe très peu. 10 par semaine, c'est très très peu. Aux États-Unis, il en passe 5 ou 600 dans la semaine. Il en passe 150 dans le week-end. Les gens sont vraiment saturés de films. Et puis, alors, surtout, ils sont dégoûtés par la façon dont les films leur sont présentés, avec des interruptions toutes les 7-8 minutes. Par la publicité. Par la publicité. Ce qui est vraiment la façon la plus désagréable de voir un film. Mais en même temps, ces nombreux films qu'ils voient à la télévision leur ont vraiment donné un goût du cinéma, disons, de l'image filmique, si on va employer une mauvaise expression, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, leur ont donné le goût du cinéma. Donc, ils y retournent. Mais ils y retournent, et ça c'est la deuxième constatation, ils y retournent parce qu'il y a des films qui leur donnent envie d'y aller. Autant le cinéma américain, finalement, s'est assez mal porté, artistiquement d'ailleurs, et commercialement, dans les années, disons, 60-70, où il a été très très influencé, malheureusement, par le cinéma européen. Toute une frange de cinéma américain s'est cru obligée d'imiter Fellini, Antonioni, Bernard Vicky, enfin, finalement, un peu n'importe quoi. Maintenant, ils ont repris du poil de la bête, ils ont repris une authenticité. Et cette authenticité aboutissant à des films qui sont des films événements énormes, qui ont drainé plus de spectateurs que n'en ont jamais drainé les grands films américains autrefois. Et il y a eu une succession comme ça de films événements qui ont marché de mieux en mieux. Parce qu'on s'est dit, ah, Le Parrain, c'est fabuleux ce que marche Le Parrain, mais Le Parrain, ça n'a été rien par rapport à Jaws, aux Dents de la Mer. Et les Dents de la Mer, finalement, c'est rien par rapport à La Guerre des Étoiles. Et La Guerre des Étoiles, ça va être rien par rapport au prochain film. On ne sait pas encore ce que c'est, mais il va arriver. Et d'ailleurs, ce qui est très, très intéressant, c'est quand on ouvre Variety, donc l'hebdomadaire des professionnels du cinéma, et qu'on regarde les entrées, c'est par dizaines de millions de dollars que les films drainent des spectateurs et des dollars chaque semaine d'un coup. Mais alors là, je t'arrête un petit peu quand même, Patrick, parce que moi, je suis nostalgique là, du coup. C'est-à-dire que c'est toi, pratiquement, et ta génération de cinéphiles qui m'ont montré des quantités de petits films qu'on appelait de série B, encore que l'expression soit pas tout à fait exacte. Enfin, je donne un exemple précis qui sont les westerns de Bud Boticœur. Bon, qui étaient des petits films réalisés dans l'Universal des années 50, c'est ça, hein? Oui, ou la Columbia. Ou la Columbia des années 50, des petits westerns fauchés, mais où manifestement la faiblesse du budget était compensée par un amour du cinéma, un amour de l'action, un amour de la vie, une santé. Il semblerait qu'il n'y ait plus de place actuellement dans le cinéma américain, que tel que tu le décris, pour cette santé-là, pour ce cinéma-là. Ben, oui et non, non, mais ça, la télévision a joué énormément, parce qu'il ne faut pas oublier qu'autrefois, il se faisait, dans les grandes années, pratiquement 600 films à Hollywood. C'est la ça. MGM, par exemple, sortait un film par semaine. Bon. Aujourd'hui, il se fait moins de 200 films par an aux États-Unis. Et tout le domaine, notamment de la série B, a complètement disparu en dehors du film fantastique, où il continue à y avoir toute une collection de sous-produits comme il y en a toujours eu. Des genres comme le western, comme le film policier, comme le film de guerre, ont pratiquement complètement disparu. Et c'est en fait la télévision qui a pris la relève parallèlement à ça. Les gens qui autrefois auraient travaillé dans la série B font Columbo. Aujourd'hui, ils font Columbo et ils font des téléfilms. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il se fait plus de téléfilms aujourd'hui aux États-Unis qu'il ne se fait de films. Or, en fait, quelle est la différence de production entre un téléfilm qui fait 93 minutes et un film de série B d'autrefois qui en faisait 72, aucune. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une aussi grande richesse, disons, d'invention, de charme, enfin, ce côté champagne dont on parlait à propos du cinéma américain de jadis, enfin, c'est un des cadeaux que notre civilisation a pu nous faire, comme disait l'autre, à savoir une gaieté, une invention, un bonheur de filmer. Est-ce que c'est resté ça dans les téléfilms? Il y a énormément de choses bien. C'est finalement des exemples comme Duel de Spielberg qui par la suite est sorti en salle ne sont pas des exceptions. J'ai vu un Cukor merveilleux avec Katharine Hepburn et Laurence Olivier. Ça, c'est un téléfilm de luxe. C'est un téléfilm de luxe. De luxe, de grand luxe. Oui, mais là, on retrouvait... C'est la série A-Primes. Oui, mais on retrouvait Cukor. On retrouvait, on retrouvait Cukor. On retrouvait, oui, vraiment le grand Cukor. Que paradoxalement, on ne retrouvait plus dans ces derniers films. C'est ça, oui. Mais... Bon, alors, le téléfilm a remplacé la série B, les grands événements sont le moteur d'Hollywood aujourd'hui. Et sur le moteur économique. Et alors, ce qui est important, c'est le double moteur économique, il ramène les gens au cinéma, ils font faire des bénéfices spectaculaires à leurs producteurs et à leur compagnie, et donc les producteurs, qui sont devenus richissimes, si tu veux, Spielberg après Les Dents de la Mer... Là, tu parles des producteurs-réalisateurs, ce qui est quand même une nouveauté, Oui, ça, il faut tout de même se mettre d'accord, c'est que la grande époque des producteurs, ou des grands directeurs de production des compagnies de cinéma, bon, a disparu. Personne n'a pris la relève de Irving Thalberg, de Selznick, de Mayer, de Zanuck, de Carlem, de gens comme ça. Aujourd'hui, ce sont les réalisateurs qui sont devenus leurs producteurs. Ce qui d'ailleurs se passe en France. En France, ça aboutit à des catastrophes financières. Aux États-Unis, par bonheur, la situation est très bonne. Coppola est producteur-réalisateur. Donc quand son film marche bien, lui, il fait des bénéfices colossaux. Et alors, au lieu de garder cet argent et le placer dans l'immobilier, il produit les films de ses amis. Et ça devient très intéressant parce qu'à ce moment-là, il fait des films de recherche, il fait finalement des films de série B. Par Mais exemple, qu'est-ce qu'il a produit, Coppola ? Ou tu veux, Altman, par exemple. Ah, Altman, oui, c'est ça. A produit le film Welcome to L.A. De Rudolph. Ils produisent tous. Ils produisent des petits films, souvent des petits films qu'on ne voit pas en France, parfois même des films en vidéo qui ne sortent pas du tout dans les circuits. Mais ils réinvestissent tout de suite. Et puis d'abord, ils réinvestissent dans leurs propres films. Et là, ils prennent des risques colossaux. Parce qu'évidemment, Coppola, qui vient de terminer Apocalypse Now, dont le budget, je crois, doit être maintenant de l'ordre de 26 millions de dollars ou quelque chose comme ça, si le film se casse la gueule, il perd tout. Mais il continue à être des joueurs. Oui, alors, la différence, alors, voilà, c'est là qu'apparaît vraiment presque la fracture, on peut dire, entre Coppola et Folberg, par exemple. Bon, je sais que tu as une tendresse toute particulière pour Irving Thalberg, qui a été le producteur, hein, parce qu'il faut encore préciser ce que c'est qu'un producteur. Est-ce que tu peux le préciser ? Parce que c'est drôlement important. Il était le directeur de la production. Ce qui, aux États-Unis à la grande époque, veut dire qu'il s'occupait aussi bien du dernier aspect du montage que du choix d'un acteur, d'une phrase de scénario, d'un angle de prise de vue ou d'un choix d'un extérieur. Et il a fait ça pendant combien d'années à la Metro-Goldwyn-Mayer ? Il a fait ça jusqu'à sa mort. Il a d'abord commencé à l'Universal. Ensuite, au moment de la fusion qui a abouti à la Metro-Goldwyn-Mayer en 24, il est rentré sous la direction de Mayer comme directeur de la production jusqu'à sa mort, je crois, en 37. Bon, alors, Folberg, alors, est-ce que tu peux décrire son rôle ? Parce que maintenant, tu le connais suffisamment pour avoir étudié son œuvre. Pratiquement, on peut parler d'une... On pourrait faire un cycle Folberg, finalement. Absolument. Au cinéma de minuit ou au ciné-club. Alors, en quoi ça consistait, je veux dire, sa fonction ? Moi, je pense, d'une part, la production de grands films prestigieux comme Goodhurst, Visage d'Orient, des choses comme ça, ou la mise en... disons, vraiment des films spectaculaires... très commerciaux, si tu veux, et en même temps, un courage dans le choix des sujets qui est stupéfiant, parce qu'il ne faut pas oublier que si Freaks, de Todd Browning, qui est certainement un des films les plus hallucinants de l'histoire du cinéma, a pu être produit, c'est grâce à Thalberg, qui s'est battu pour ça. Donc, trop souvent, finalement, les uns et les autres, on a été habitués à Thalberg, l'image du producteur méchant, brimant ce pauvre Stroheim. Mais moi, je pense d'abord qu'il avait raison de brimer Stroheim, parce que ça ne sert à rien de faire des films de 24 heures que personne ne peut voir. Il vaut mieux aboutir à des films de 2 heures et demie qui peuvent être distribués. Mais bon, non seulement il brimait Stroheim d'un côté, mais il permettait en même temps à Todd Browning de tourner Freaks en se battant contre les financiers de la côte est des États-Unis, aux financiers de la MGM, en leur imposant des sujets. C'est lui qui, voyant ce que donnait la grande parade et comprenant que ça allait être un chef-d'œuvre, immédiatement a donné à Vidor les moyens supplémentaires pour rajouter des scènes qui n'étaient pas prévues au départ et faire que vraiment Vidor ne soit pas gêné par des contingences budgétaires. C'est-à-dire que Folberg avait une personnalité telle qu'elle permettait à d'autres personnalités de se manifester clairement, c'est ça ? C'était un homme intelligent. C'était un producteur intelligent, c'était vraiment un producteur artiste. Mais comme d'ailleurs ont été plus tard, Zanuck, à la Fox aussi, parce que Zanuck, c'est pareil, on a l'impression de producteur un gros cigare se traînant en Afrique pendant le tournage Racine du Ciel. C'est pas uniquement ça. C'est le type qui a permis à Henry King de tourner, à Long de tourner, à Attaway, finalement à Wellman de tourner Oxbow Incident, qui a permis de faire Les Raisins de la Colère, qui a permis de faire toute la grande production. Soit en pointeur pour Renoir. Non, c'était des gens qui avaient beaucoup de goût. Je crois qu'il était très intelligent et a vu beaucoup de goût. Mais cette trace-là a complètement disparu, alors ? Elle a complètement disparu à partir du moment où il y a eu, dans les années entre 49 et 52, le fameux divorcement, puisque le gouvernement américain a exigé l'application de la bonne vieille loi Sherman antitrust à l'industrie cinématographique. On sait qu'avant la guerre, il y avait un lien immédiat entre la production et la distribution, ce qui était évidemment pour les compagnies de cinéma un atout formidable. On n'avait pas de problème en se disant on va produire tel film, comment va-t-on le distribuer? Il n'y avait aucun problème, il était distribué automatiquement. Les films produits par la MGM étaient distribués dans le circuit LE sans aucun problème. Et jusqu'en Égypte. Partout, le circuit LE allant du Chili à l'Égypte, du Japon à l'Allemagne, il n'y avait aucun problème. Avec y compris les exploitants, les employés, les distributeurs de la MGM dans les différents pays, jusqu'en Orient et l'Extrême-Orient, ayant l'esprit de la maison. Absolument, il n'y avait aucun problème. Tandis que l'application de la loi Sherman a obligé à diviser les circuits d'exploitation et les circuits de distribution. Donc à ce moment-là, il a fallu, j'aurais tendance à dire, innover beaucoup plus. Être beaucoup plus compétitif, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait plus de compétition. Oui, il y avait, auparavant, il y avait uniquement une compétition entre les circuits. À ce moment-là, il y avait une compétition entre les films, puisque les films avaient besoin d'être achetés par des circuits qui n'appartenaient plus aux grandes sociétés. En plus, ça a été le moment où les acteurs n'ont finalement de moins en moins été sous contrat, les réalisateurs de moins en moins aussi. C'est le problème où est arrivée toute une génération de jeunes cinéastes, en tendance à dire un peu turbulents, du genre de Aldrich, de Fuller, de gens comme ça, qui allaient devenir souvent leurs propres producteurs. Et donc le cinéma américain a complètement éclaté. Et puis c'est le moment où les gens qui avaient démarré dans les années 24 ou autres, comme Zanuck, ont commencé à avoir vieilli, et où toute une génération d'autres cinéastes, d'autres producteurs, bon, Thalberg était mort, Selznick va aller mourir 10 ans plus tard, Mayer se retirait, finalement les grands avaient disparu. Et à ce moment-là, la main est passée aux réalisateurs, qui sont devenus leurs producteurs. Et donc, c'est pour ça que ça a un peu, disons, pataugé pendant... Oui, ça a pataugé. Ça a pataugé parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'auteurs, et je pense notamment à des gens comme Fuller, comme Nicolas Ray, comme Aldrich, ont été très déboussolés par le cinéma européen. On en a parlé tout à l'heure. Je pense notamment, ont été déboussolés par la critique européenne, et notamment par la critique anglaise et surtout française, par les cahiers du cinéma, si on veut. Oui. Je crois que ces gens, subitement, se mettant à lire des articles sur leurs films, des articles assez intelligents, assez précis, ont été très surpris. Ce sont des types qui avaient beaucoup de personnalité, comme Fuller, comme Aldrich, ça ne les a pas gênés, ils sont finalement retombés très bien, ils ont continué à tourner. Hitchcock, évidemment, les articles qu'il y a eu sur Hitchcock ne l'ont pas gêné. Il y a des gens, en revanche, que je crois que ça a bloqué. Ray, c'est le cas, Ray était bloqué. Et Lozé, finalement, doit se poser, je crois, la question, chaque fois qu'il tourne, qu'est-ce qu'on va en dire? Qui est, à mon avis, une très très mauvaise chose. C'est-à-dire que Ford se foutait pas mal quand il tournait dans les années 30, 6 films par an, ou Hellman, quand il tournait 8 films pour la Warner, tout ce qu'on allait en dire. Oui, mais alors, tourner. Oui, mais alors là, justement, c'est là qu'on arrive un peu au cœur de la question, Patrick Brion. Moi, j'ai le sentiment que toute une génération avec laquelle, pratiquement, je suis entré en cinéma, quoi, je veux dire, parce qu'après tout, quand je suis arrivé à Paris... sortait en quatrième vitesse d'Aldrich, Johnny Guitar de Nicolas Ray, avec en même temps l'œuvre continue de Fritz Lang, de Hawks, de Hitchcock, de Mankiewicz, de Minelli. Or, pour prendre certains survivants exemplaires, on a l'impression que ces gens enserrés dans un système de production très précis, qui était celui des grandes compagnies des années 50, donc ça existait encore, des gens comme, ben, je dis Minelli et Mankiewicz, mais je pourrais dire aussi Donen. Ces gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et Dassin, enfin, et que la liberté leur a coûté très cher. Successivement, les uns comme aux autres. Dassin en entrant dans le cinéma européen, et en se perdant complètement... Oui, ça l'a tué. Ça l'a tué complètement. Nicolas Ray ne sachant plus quoi faire, jusqu'aux 55 jours de Pékin. Aldrich... entrant dans un système qui n'est quand même pas aussi fécond pour lui que pouvaient être ses premiers films. Lozé devenant anglais et complètement européen. Minelli continuant à faire des films, mais beaucoup moins beaux que ses films de la métro. Mankiewicz acquérant une liberté qui lui permet de dévoiler une espèce de cynisme et de crudité, finalement, qui était peut-être sous-jacente dans ses films antérieurs, mais qui l'a détruit, à mon avis, un peu ce qu'il a apporté d'extrême intelligence, de sens du dialogue et de sens, ce charme prodigieux qui était dans n'importe quel Mankiewicz des débuts. J'ai l'impression que cette génération-là est une génération perdue du fait du changement du cinéma américain. Chaque cas est un cas isolé qu'il faudrait nuancer. Pour Mankiewicz, par exemple, si tu prends le limier est tout de même très très proche de chaîne conjugale. On peut aimer, on peut préférer chaîne conjugale. Bon, je préfère chaîne conjugale, c'est évident. Mais il y a cette même intelligence des dialogues. En fait, le limier n'avait pas besoin d'un producteur qui aurait gêné Mankiewicz. Bon, il est évident que Minelli avait besoin d'être dirigé par des gens comme Arthur Freed ou comme Hausmann. Ça, c'est indiscutable. Donnan aussi. Donnan, livré à lui-même, c'est aussi terrible, aussi effrayant que Lozé ou que Dassin livré à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut une immense personnalité comme celle d'Alfred Hitchcock pour s'en sortir complètement. C'est ceux qui étaient vraiment des vrais auteurs. C'est ça, voilà. Au sens complet du terme, ça ne les a pas touchés du tout. Tu vois, Hawks, ça ne l'a pas touché. Rio Lobo est un film d'auteur. Ligne Rouge aussi. Bien alors maintenant, si tu veux, on va essayer de parler du nouveau cinéma américain, parce que tout de même des auteurs qui se sont révélés dans les années 60 et même au début des années 70. Et contrairement à ce que je croyais, il s'est révélé quand même une génération très très intéressante. J'aimerais avoir ton avis sur les nouveaux. Mais c'est une génération qui est venue de la télévision. Contrairement aux générations précédentes qui venaient de la série B, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on rodait, disons que les producteurs, les directeurs de production rodaient en tournant des petits films, ces gens sont venus à partir des années 60, 65, de la télévision. Il s'est passé un phénomène qui n'est en gros apparu dans aucun pays, mais à part l'Angleterre, et malheureusement pas du tout en France, c'est que les gens venaient de la télévision. Ce sont des gens qui ont pris l'habitude, donc tournant, je sais pas, Flipper le Dauphin, Manix, Mission Impossible, en tournant 10 minutes utiles par jour, 10 minutes de film par jour, qui ont appris leur métier là. 10 minutes utiles par jour, 10 minutes de film terminé, enfin de film projeté sur écran, c'est considérable. C'est-à-dire que ça suppose une vitesse de tournage énorme. Ça représente tout simplement, si on veut comparer la télévision française à la télévision américaine, une vitesse triple de la vitesse française. Où je crois qu'on tourne 3 minutes utiles à peu près. Bon, là, ils tournent 10 minutes utiles par jour. Quand on tourne un épisode de Manix, on le tourne en 5 jours. Et on ne peut d'ailleurs pas le tourner en plus, puisqu'il y en a un autre à tourner la semaine d'après. Donc il ne s'agit pas de perdre du temps. Et comme il y a une vedette unique, de soi-même, bon. Alors ces gens ont appris là leur métier, et alors qu'on aurait pu croire que c'était évidemment extrêmement frustrant de tourner toute l'année des Flipper le Dauphin, ou des Incorruptibles, ou des Manix, ou des Daktari, pas du tout. On a vu arriver une génération qui était la génération d'Altman, de Pollack, de Mulligan, une génération de gens, bon, qu'on les aime ou non, qu'on les préfère ou non aux gens d'avant, ça va y voir, extrêmement personnels, de gens qui étaient des auteurs. Oui, mais alors, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre en avant des noms comme celui de Coppola, par exemple, qui me paraît être un type, à travers ce que j'ai vu de lui, j'ai pas tout vu, mais Le Parrain numéro 2 et La Conversation me paraissent être des films diablement intelligents et dignes, alors là, vraiment, de la très très grande intelligence du cinéma qui régnait à Hollywood dans les années... C'est-à-dire qu'il me paraît... J'ai l'impression qu'il y a une dimension supplémentaire par rapport à ce que font Mulligan et Pollack, qui est très charmant, très, très sensible, mais que là, il y a vraiment Il y a une dimension qui est peut-être, mais ça on le verra avec Apocalypse Now, son prochain film, qui est le génie, peut-être la dimension du génie. Pour l'instant, je crois qu'on ne le sait pas. Bon, son prochain film sera, on en a parlé, ne serait-ce que pour des raisons économiques, une preuve. Parce que si le film n'est pas bon et si le film ne marche pas, on ne verra plus jamais Coppola. Ça sera réglé comme ça. Et si le film est vraiment très bon, ça sera un chef-d'œuvre. Il a peut-être en effet plus de personnalité folle que les autres. Mais plus de dimensions. C'est-à-dire que moi, ce que je craignais à l'époque Pollack Mulligan, c'était quand même une espèce de complaisance, d'une nostalgie, un regard tourné vers le passé, qui d'ailleurs correspondait très très très bien à notre sentiment même d'Hollywood, puisque on vit tous sur la nostalgie du Hollywood des années 40, de la comédie musicale des années 50, alors qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis dans les années 70 qui laisse espérer un avenir réel du cinéma américain. Mais tu vois, il y a les orfèvres et les bâtisseurs de cathédrales. Alors, c'est-à-dire que Mulligan et Pollack sont des orfèvres ou des miniaturistes, qui n'est pas d'ailleurs du tout un reproche, il faut les deux. Et Coppola, bon, serait lui plutôt du côté des bâtisseurs de cathédrales, comme Spielberg. Spielberg, pour toi, c'est le même niveau. Oui, enfin, Rencontre du troisième type, c'est un film de ce niveau-là. C'est un film que tu aimes beaucoup. Moi, je préfère beaucoup les grands films hollywoodiens de l'âge d'or, mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait dans le cinéma international, bon, c'est un très grand film. Bon, évidemment que je préfère Young Mr. Lincoln, Chantons sous la pluie ou Les Ensorcelés. Mais... Devant Le Parrain numéro 2, on n'a pas ce genre de nostalgie quand même. On se dit, c'est, c'est quelqu'un qui vit aujourd'hui, qui filme aujourd'hui, et le regard de ce personnage brusquement devant, je pense à la séquence de Cuba, du Parrain numéro 2, qui est tout de même un truc fantastique sur le terrain politique, enfin sur le terrain, cette espèce d'Amérique des parrains, découvrant brusquement le monde dans lequel l'Amérique se trouve plongée soudain, c'est assez étonnant. Oui, mais enfin, non, je crois que si on veut résumer, c'est toujours difficile. Je pense que même le cinéma américain d'aujourd'hui n'a pas, c'est-à-dire cette espèce de charme qu'avait le cinéma d'autrefois. C'est un cinéma aussi intelligent, aussi fort sur l'attraction publique. Aussi de ce fait, aussi dominateur et aussi impérialiste. Ça, c'est un élément dont tu te contrefiches, mais qui est quand même assez important. Moi, je n'ai jamais mélangé la politique et le cinéma. Enfin, quand même, on ne peut pas l'oublier. Moi, je préfère un film de droite, si on veut simplifier, qui soit un chef-d'œuvre, un mauvais film de gauche. Non, mais d'accord. Je dirais presque moi aussi. Seulement, il est évident que la culture américaine, enfin que s'il y a un pouvoir de l'Amérique, il s'exerce aussi par son cinéma et par la façon dont il a, d'une certaine façon, de dominer le monde, en partie aussi par ses armées et par son commerce, par son industrie et aussi par son cinéma. Enfin, c'est lui qui a envoyé au monde des images telles que les gens se sont conformés à ces images, à l'image de ces acteurs, à l'image de certaines violences, à l'image d'une certaine morale. Oui, mais tu comprends, le cinéma américain, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, était tout de même le seul à s'attaquer, par le biais de films commerciaux qui étaient vus dans tous les pays du monde, au problème de l'antisémitisme naissant en Allemagne, des choses comme ça. Alors que le cinéma français se réfugiait en filmant des pièces de boulevard, les Américains produisaient des films où on découvrait ce qui allait se passer en Allemagne. Ça, tout de même, il faut bien... Le film de Borzage qu'on a vu... Absolument, il y en a 50 comme ça. Et au moment de la chasse aux sorcières, entre 47 et 52, au moment où Hollywood a été la première victime des persécutions, notamment du sénateur du Wisconsin, McCarthy, le cinéma américain continuait à s'attaquer au racisme, à l'antisémitisme, à la corruption de la presse, à la corruption des dockers, tout ce genre-là. Ça a toujours été le cinéma le plus courageux. Alors on dit c'est un cinéma récupérateur, bon peut-être, mais ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de dire les choses, de dire des choses qui n'ont jamais été dites dans aucun autre pays. Aucun cinéma n'a été aussi antimilitariste, n'a attaqué ce qu'il y a de scandaleux dans l'armée, comme le cinéma américain. Même aujourd'hui, le cinéma politique italien, le cinéma politique français n'existe malheureusement pratiquement pas, n'atteignent pas la cheville de ce qu'a toujours été le cinéma américain. Bon, alors, on a parlé de Coppola, on a parlé de Spielberg. Alors, parmi les autres, alors, ce qui te touche, toi, personnellement, dans les nouveaux films américains d'aujourd'hui? En fait, il y a peu de noms dans le nouveau cinéma américain d'aujourd'hui. Il y en a très peu. Enfin, il y a Altman, comme ça, encore qu'Altman, bon, tourne tout de même depuis longtemps. Mais on peut. Il y a aussi, je veux dire que de la même façon que dans les années 50, il y avait en même temps, disons, Aldrich et Fritz Lang, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a en même temps, disons, Coppola et des gens qu'on connaît depuis longtemps, comme Cassavetes et Kubrick, qui, eux, ont quand même considérablement, se sont imposés, enfin, avec le temps et avec les années. C'est ça, disons qu'ils continuent à faire leur petit bonhomme de chemin, continuant à être des auteurs comme ils ont toujours été. Ils ne tournent pas nécessairement le même type de film, mais ils continuent exactement dans leur voie. Mais on peut dire que Kubrick, par exemple, est certainement un des plus grands cinéastes vivants. Enfin, sinon, oui, certainement. Le plus grand, non? Ah oui, il est d'ailleurs certainement le modèle de tout le cinéma américain d'aujourd'hui. C'est le premier à s'être battu pour vraiment prendre une personnalité et faire ce qu'il voulait. Et faire à chaque fois un film différent. Absolument différent. En prenant tous les risques, parce que tout... En se moquant de tous les problèmes financiers, en dépassant son budget... Les devis étaient le tiers de ce que coûtait le film à la fin. Mais là, ouais, la grande force du Kubrick, c'était que ces films, de l'ensemble, marchaient presque toujours. Et en plus, pour tourner des chefs-d'œuvre. Et complètement différent, parce que rien, a priori, ne rapproche, sinon la fabuleuse personnalité de Kubrick, 2001, d'Orange Mécanique ou de Barry Lyndon. Des films différents, c'est des gens qui innovent à chaque coup. Oui, alors, exemple inverse, parce que tout se dément à chaque fois. Cassavetes fait pratiquement toujours le même film, mais... Il continue à faire des portraits de l'Amérique, enfin, surtout de l'Américain moyen, absolument. Et ils sont, alors, cela, je crois vraiment que c'est quelqu'un qui grandit beaucoup dans notre esprit à tous. Enfin, Cassavetes, non, parce que c'est quand même quelqu'un qui... Pas le tien. Thierry grandit, là, moi, je pense, de la miniaturisation. Là où est peut-être sa grande limite, c'est qu'en fait, il risque de ne faire que ça. Thierry fera de fabuleux portraits, mais il ne fera pas la bataille de Lépante. Alors, est-ce qu'on oublie des gens? Oui, on en oublie certainement beaucoup de ceux qui font des petits films et qui vont apparaître. Comme peut-être, on aurait eu cette conversation à l'époque où Kubrick tournait ses premiers films, tournait Fear and Desire qu'on n'a jamais pu voir, ou tournait The Killing, ou tournait Killer's Kiss, on n'aurait pas nécessairement mis dans les grands cinéastes hollywoodiens de demain. Alors, Hollywood aussi, enfin, on s'en aperçoit actuellement avec l'hommage que tu rends à Clark Gable, c'est aussi naturellement les stars, les comédiens. De ce côté-là aussi, on voit apparaître des visages. Enfin, tout le monde pense à De Niro, bien sûr, dont le visage correspond bien à celui de l'Amérique contemporaine. C'est ça, non? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu la relève, de même qu'il y a eu la relève finalement des cinéastes, la relève des scénaristes, il y a la relève des acteurs. Et qui continue en effet à être le reflet très exact de l'Amérique de l'époque où ils vivent. Clark Gable incarnait une espèce d'Amérique idéalisée, un peu rooseveltienne, comme Gary Cooper, comme Henry Fonda, comme James Stewart. En revanche, aujourd'hui, Robert De Niro ou John Travolta, le héros de Saturday Night Fever, incarne une Amérique beaucoup plus inquiète, une Amérique qui est l'Amérique des races mélangées, finalement, qui est l'Amérique de Little Italy, des quartiers des docks, de San Francisco, ou des gens comme Al Pacino, comme Dustin Hoffman, qui sont des acteurs qui peut-être auparavant n'auraient jamais eu les grands rôles qu'ils ont, qui n'auraient pas été les vedettes qu'ils sont aujourd'hui, qui sont souvent physique ingrate, du coup, pour simplifier. C'est ça, oui, mais ils sont fragiles. Alors que les, moi, je suis né dans le cinéma américain des types qui pouvaient tous se mettre torse nu. De Burt Lancaster à Kirk Douglas. Mais ils se mettent toujours torse nu. C'est fini, enfin je veux dire qu'on les voit plus. Mais sont à l'image d'une Amérique qui est une Amérique inquiète. Enfin, il y a qu'à voir la façon dont d'ailleurs a été vue par le cinéma la guerre du Vietnam. Alors que les grandes guerres américaines ont toujours été glorifiées par leur cinéma, l'Amérique a été subitement inquiète par la guerre du Vietnam. Elle n'a pratiquement rien tourné dessus. Sauf les Bérets Verts et avec les Bérets Verts et deux ou trois autres films, mais finalement très très peu. Mais qui n'avaient rien à voir avec ce que Fuller avait pu faire, par exemple, avec J'ai vécu l'enfer de Corée. Non, absolument rien. L'Amérique est inquiète par ses problèmes politiques, par le problème du racisme dont elle a pris quand même énormément conscience, inquiète de sa politique, notamment à la suite de l'assassinat de Kennedy, de Nixon. Et les héros d'aujourd'hui du cinéma américain sont des héros inquiets. Fragiles. Fragile. Et le cinéma américain est un cinéma qui, en fait, va dans deux directions opposées. D'une part, qui est le reflet d'une Amérique inquiète, malade parfois. Et alors, ces films donnent aussi bien Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, que Les Hommes du Président, ou que Le Parrain, qui n'est pas un film euphorisant. Et alors, au contraire, de l'autre côté, des films qui sont des purs films de distraction, qui amènent le spectateur dans des domaines les plus éloignés possibles de la vie contemporaine, bon, qui sont La Guerre des Étoiles ou qui sont finalement Rencontre du Troisième Type. Ce sont des purs films de distraction. D'évasion. C'est un damer, ou c'est ça. C'est-à-dire de refus de la réalité, alors. Oui, absolument, de refus de la réalité. Mais il y a les deux. Ce qui est la grande force du film américain, c'est qu'il y a les deux. De même qu'il y a eu toujours les deux. Et le prochain Coppola, c'est la guerre du Vietnam, d'après toi. C'est le Vietnam. C'est la première fois qu'on en parle, alors qu'on va en parler vraiment, alors. C'est-à-dire, c'est vraiment Hollywood. La première fois, oui, en effet, où on va avoir un film qui va être à la fois un film spectaculaire, donc théoriquement un film distractif, un film, dépaysant, qui en même temps va être plongé dans la réalité qu'a vécu. Qu'ont vécu tous les GI, c'est-à-dire les types qui aujourd'hui vont au cinéma. Enfin, l'Américain moyen d'aujourd'hui, en fait, a fait la guerre du Vietnam, a combattu au Vietnam. Oui, c'est drôle parce que jadis, quand l'Amérique s'est mise en guerre en 1940, on peut dire que pratiquement le discours de Roosevelt mettant les États-Unis en guerre contre le Japon et la fameuse réplique de MacArthur disant « je reviendrai », tous les scénaristes américains l'ont recopié. C'est-à-dire qu'on a eu 15, 20, 30 films dans les années... Enfin, 100 films dans les années 40 sur tous les aspects de cette guerre, etc. Après, immédiatement, d'ailleurs, ça a été l'application de la doctrine Roosevelt, ça a été le war effort qui a été demandé à Hollywood comme il était demandé à d'autres secteurs de l'industrie. Bon, alors maintenant, on pour le à produire des films, on s'est mis directement à glorifier l'Union soviétique, l'Union soviétique étant une alliée dans le combat. Absolument. Oui, alors, voilà. Et pour le Vietnam, on attend un seul film. C'est un peu ça la différence. C'est un peu ça, mais ça sera un film spectaculaire, comme n'ont jamais été aussi spectaculaires les films des années 40 consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors on en est suspendu à l'attente de Apocalypse. Ah, ça va être une grande surprise. Depuis lors, nous avons vu Apocalypse Now. C'était le cinéma des cinéastes par Claude Jean-Philippe qui recevait le 23 avril 1978 Patrick Brion sur France Culture. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Et d'un bidon si The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing. Momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en el cuarto de un hotel estrellado.